بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 44 بعد المياه 144 لسون. يقول المؤلف حفظ الله تعالى في سؤال 86 و 1286 ما أجر من دل على خير أو هدى quelle est la récompense que l'on tire pour celui qui aura indiqué un bien ou une guidée. On parle de celui qui indique et non pas celui qui le fait. Donc, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Mas'ud al-Ansari, « Man dalla ala khayl, falahu mislu ajr fa'ili » Alors, muslim, que celui qui indique un bien à faire a la même récompense que celui qui l'aura fait. Et d'ailleurs, c'est des ulama comme Cheikh, notre cher Abdelhamid au Yémen, qui sort de ce hadith-là, pour justement, quand des fois des gens sont emmenés à avoir besoin de certaines sommes d'argent pour des choses liées à la da'wah, au masajid, ou bien que quelqu'un qui connaît cela, d'accord, qui connaît ce besoin chez certaines personnes, alors lui, qui n'est pas de mal, qu'il indique aux gens qui connaissent aptes à faire cela et qui accepteraient de faire cela, qui auraient moins de faire cela, de leur indiquer. Par exemple, en disant, Masalen, il va avoir un frère qui connaît, un frère qui sait qui Allah Azza wa Jal lui a donné les moyens. Il sait que c'est un frère qui aime faire le khair à la base, d'accord ? Parce que t'as des gens qui n'aiment pas, ou des gens ça les dérange. Il va le voir, tu dis, Yahri, si tu pouvais, par exemple, aider tel projet ou tel masjid, ça serait un khair pour toi. Ben, celui qui déjà dépense pour le masjid, d'accord ? Lui, il a sa récompense en tant que bienfaiteur, et l'autre, la récompense du fait qu'il a indiqué ce bien. Du fait qu'il a indiqué ce bien. Car les gens qui ont de l'argent, il faut qu'ils sachent que c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnée. Et que cet argent-là, d'accord, doit dépenser dans le bien. Comme a dit Allah Ta'ala, « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى » Celui qui fera ne sera qu'un atome de bien, il le verra. Donc tout cela, cet argent-là, ce n'est pas une perte. On a dit auparavant, une ça d'accord, pour une chose de bien, ce n'est pas une perte. D'accord, ce n'est pas une perte. Plutôt que certaines personnes qui amassent de l'argent et le mettent de côté et n'en font rien de particulier. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah, qui n'aimerait pas avoir l'équivalent de Uhud en or, de passer une nuit avec Uhud. Vous voyez, c'est quoi Uhud? Une montagne entière en or. Si ce n'est de quoi avoir, de quoi rembourser ses dettes, sans qu'il ne le donne, fils Abilillah. Car amasser de l'argent en soi, sans raison particulière, pour une personne qui n'a pas de projet ou quoi, ça ne sert à rien. Et l'argent, il est là bloqué. Alors qu'il pourrait être utilisé dans le bien et que ce bien-là, Yom al-Qiyamah, tu le retrouverais. Tu le retrouveras. Donc on incite les gens qui sont dans la capacité de pouvoir aider leurs frères dans le besoin autour d'eux, dans leur entourage, dans leur ville, d'accord ? Qu'ils connaissent. Ou des masajids qu'ils connaissent. Bien sûr, des masajids à la sunna qui sont sur le khayr, d'accord ? Qui sont sur le bien. De. Ta'aoun avec eux. Et ce ne sera qu'un bien pour eux. Et pour la Ummah. Et c'est un acte Allah Azza wa Jalla, il aime. C'est un acte Allah Azza wa Jalla, il aime. Naam. Et le Nabi Sallam incitait à faire les sadaqas. Là, c'est une sunna d'inciter les gens à faire sadaqas. D'accord ? C'est une sunna. Que des gens sont venus, qu'ils étaient démunis, sans rien du tout. Et le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit aux gens de leur faire aumône. Il n'a pas dit donnez-moi, comme certains y font. On n'appelle pas à cela. Quand les gens ils font par exemple des quêtes, ou qu'ils demandent sans cesse des annonces que l'on voit sur internet, d'accord, sans cesse des demandes de dons, ça ce n'est pas permis, cette façon de faire n'est pas dans la sunna. Ça c'est dans le tasawul, la mendicité, d'accord. En plus souvent on ne voit pas de baraka dans quoi cet argent est investi. Quoi qu'il en soit, la façon de faire pour aider les gens c'est indiquer. Tu dis, un tel dans le besoin, aidez-le. Tel mosquée dans le besoin, aidez-le. Telle chose a besoin d'être faite, aidez-la. Sans avoir besoin de faire des annonces. Ou d'aller faire des tweets et demander aux gens de retweeter à grande échelle. On demande en privé. Et on fait du bouche à oreille. Et ça a ses fruits, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Ne pas faire comme les chrétiens avec leur quête à la fin de la messe, lorsqu'ils passent avec leur panier et qu'ils demandent aux gens. Déjà, tu mets les gens dans l'embarras. Et autre chose, il se peut qu'une personne te donne par contrainte, parce qu'elle est gênée devant tout le monde de ne pas donner, de passer pour une personne qui est avare, donc elle donne. Mais il n'y aura pas de baraka dans ce genre-là, parce qu'il n'a pas donné de lui-même. Mitibat al-nafs. Il a donné parce qu'il se sent un peu forcé de le donner. Il est gêné. Et ça, c'est pas dans la sunna d'agir comme cela. Ce maqara'la fi su'al. التاسير وثمانين ومئتين وألف 1289 question. ما هو أحب الكلام من الله Quelles sont les meilleures paroles auprès d'Allah قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب السمبر بن جندب أحب الكلام من الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأهله أكبر لا يدرك بهن بدأت وبدأت لا تدرك بأيهن بدأت نعم رواه مسلم qu'il a dit le Nabi sallam que les paroles préférées auprès d'Allah c'est le tasbih le fait de dire subhanallah wal tahmid le fait de dire alhamdulillah wal tahlil le fait de dire la ilaha illallah wal takbir le fait de dire Allahu akbar. Et si les mécréants en France pouvaient comprendre ce genre de choses, ils éviteraient toutes leurs polémiques et leur propagande par le takbir en disant que Allahu akbar c'est la formule des terroristes. C'est une chose qui est tout à fait ridicule. C'est une chose, une parole qui est parmi les plus aimées auprès d'Allah azawajal que l'on prononce. Et parfois, même il est obligatoire de la prononcer, comme lorsque on fait le stiftar dans la salat. On commence par un takbir à haute voix. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire que lorsqu'on fait la salat, on est terroriste, parce qu'on dit Allahu Akbar. Cela est tout à fait ridicule. Et les jours d'Eid, quand même, le takbir, c'est parmi les ibadat, el-ovma, parmi les plus grandes adorations, de faire le takbir à voix haute. C'est parmi les emblèmes de l'islam. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? On est des terroristes. Ils vont devoir accuser tous les musulmans, alors, dans ce cas-là. Maintenant, le fait que des djouhel fassent des choses comme cela, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Si demain, un homme se met à faire des actes terroristes au nom de la République française et chante la Marseillaise, ils vont dire quoi que la Marseillaise c'est une chanson terroriste ? Ils vont dire non, c'est notre hymne national et lui, c'est un... il ne représente que lui-même, par exemple. Bien qu'écoutez bien les paroles de l'hymne national, de quoi elle parle. Regardez bien de quoi elle parle. Ça parle de guerre. Ça parle de purifier les rangs. Et quand c'est les musulmans, c'est. Appel à la haine et je ne sais quoi. Mais par contre, eux, leur hymne national de leur pays, d'accord, c'est une chose qu'ils estiment que chaque citoyen doit connaître par cœur et qu'ils chantent à chaque occasion. Aux armes citoyens, ils appellent aux armes. Et quand c'est le musulman qui appelle aux armes, pour Allah Zawajel, qu'est-ce qu'ils disent ? Terroristes. Regardez un petit peu la justice et l'équité chez ces gens-là. La ilaha illallah. Ce maqala fi sourate at-tis'in wa mi'atayn wa alf. 1290e question. هناك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ما هما il dit qu'il y a deux paroles qui sont légères sur la langue et lourdes sur la balance et très aimées auprès d'Allah quelles sont-elles c'est le fait de dire subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim le fait de dire pureté à Allah et ses louanges et pureté à Allah on va dire le très grand comme dans le hadith d'Abu Huraira quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم قال في السؤال 91 و200 1291 question الى اين يكون ازار المسلم وثوب jusqu'où doit être porté le vêtement du musulman son camis ou son izar quelle partie du corps doit-elle atteindre Il dit que cela doit être à la mi-cheville ou au-dessus des chevilles. Comme dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Izar al-Muslim, il est nif al-Saq, wa la haraj, wa la junah, fa ma baynahu wa bayn al-Ka'bayn, rawa Abu Dawud, que le Izar du Muslim, son pagne, et ce qui équivaut à tout vêtement, doit être à mi-cheville. Et pas de mal si cela devient au-dessus de la cheville. Thumma qala fi al-su'al al-thani wa tis'in wa mi'atin wa alf. 1292e question. Ma hukm man zada al ka'b. Maintenant, c'est quoi le jugement que le vêtement dépasse de la cheville ? C'est haram. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Nabi Huraira, qu'il a dit ma asfala min al ka'bayn min al izar fa huwa fi an-nar. Que tout ce qui dépasse des chevilles, d'accord, cela sera au feu. Cela sera au feu, rapporté par Bukhari. Et que cela soit fait par orgueil ou pas, cela est le même jugement. Seulement si jamais cela se fait par orgueil, le péché est encore plus grand. Et des gens veulent se servir du hadith d'Abu Bakr Siddiq qui avait son vêtement qui tombait et qui mettait une ceinture pour ne pas qu'il tombe et parfois il traînait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit toi tu ne fais pas par orgueil. Ça veut dire quoi? Tu ne le fais pas exprès. Les gens n'ont pas compris le hadith. Ça ne veut pas dire qu'Abu Bakr Siddiq le faisait volontairement, mais comme il ne faisait pas par orgueil, il était excusé. C'est que lui son vêtement était trop grand. Il serrait avec une ceinture, des fois il tombait le vêtement, sans qu'il ne le veuille. Donc là il était excusé parce que c'est une chose qu'il ne faisait pas volontairement. Mais celui qui le fait délibérément, d'accord? Il le fait délibérément. Alors lui, il a le péché de l'avoir fait. Et c'est encore plus si il le fait par orgueil. Et on dira à quelqu'un, quand tu connais l'épreuve et que malgré tout, tu laisses ton vêtement traîner sous les chevilles, c'est quoi ton but en cela? Tu as honte de mettre ton vêtement sous les chevilles? Tu trouves ça laid? Ça veut dire que c'est de l'orgueil que tu fais par orgueil. C'est de l'humilité d'avoir le vêtement sous les chevilles, et c'est la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab était sur son lit de mort. Un jeune s'est approché à propos de lui avec son vêtement qui traînait. Il a dit Irfa thawbaka an ka'bayn fa'innahu athhar lak. Il a dit, lève ton vêtement au-dessus de tes chevilles, cela est plus pur pour toi. Il est en train de mourir. Et il dit ça là à un enfant. Pensez-vous que Omar al-Anou va faire cela pour une chose qui est permise ou qui est juste recommandée à ce moment-là? C'est que c'était obligatoire. Et un jeune, peut-être même il n'était même pas pubère. Allahu a'lam. Voilà Moustahan. Puis il dit, Fisouel Salis wa Tisrin, wa Miyatenu Alf. 1293e question. Elle est juste, libs le bantal. Est-il permis de porter un pantalon? D'accord? On dit là, les juz, les noms de Chaboul Bikoufar. Et ça n'est pas permis car c'est parmi la ressemblance aux mécréants. Le pantalon n'est pas parmi les vêtements des muslimines. À la colle sahih. Et d'ailleurs, même, il cite le hadith de Umama, Abu Umama, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna al kitab, yatasar waloun, walet azirun. Fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tasar walou, wa ta'ziru. Alors, rapporté par Ahmed, qui lui dit que les gens du livre portent justement des sarawil et ne portent pas de hizar, de pagne, mais pas de sarawil, ce qu'ils appellent aujourd'hui sirwel. En vrai, on dit sarawil, c'est ça le mot qui est vraiment employé, qui est en arabe, bien qu'à la base c'est un mot qui est perse, d'origine perse, mais qui était récupéré par les arabes et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a employé dans la langue arabe. Donc c'est un mot arabe, c'est devenu un mot arabe. Et sirwel, c'est un mot de darija, c'est un mot de langage, de dialecte, ce n'est pas de l'arabe. Quoi qu'il en soit, le Nabi Sallam a dit quoi? Mettez le sarawil et mettez le pagne par-dessus et contredisez les gens du livre. Donc cela montre bien que ce hadith-là démontre qu'il n'est pas permis de porter justement un sarawil tout seul. Car cela a de la ressemblance avec les gens du livre. Même s'ils ne le font plus aujourd'hui, ils l'ont fait auparavant. On ne dit pas qu'une coutume délaissée par des mécréants par exemple amène à ce qu'on puisse le faire aujourd'hui. Par exemple, des choses qu'ils les feraient auparavant, qu'ils ne font plus aujourd'hui, on peut les faire nous aujourd'hui. On dit non. Ça reste toujours de leur coutume qu'on a connu auparavant, donc on ne leur ressemble pas. Par exemple, demain, quelqu'un, je sais pas, moi, il vient qu'avec moi, il ressemble à un viking. Un exemple. On va dire, il n'y a plus de vikings aujourd'hui, je peux m'habiller comme cela. On dirait non. Car c'est parmi les choses pour lesquelles ils ont été connus auparavant, puisqu'aujourd'hui, on le sait. Donc tu leur ressembles. Tu leur ressembles en faisant cela. C'est l'exemple que je donne, un exemple un peu extrême. Donc là, ce hadith, c'est une preuve, c'est un dalil, ce n'est pas un ijtihad d'un alim ou quoi, bien qu'il n'y a pas unanimité par rapport au fait d'authentifier ce hadith. Quoi qu'il en soit, chez ici au Yémen, le hadith est le voie Hassan, et d'autres parmi eux, parmi les imams du hadith également, qui n'est pas permis de sortir en sarawil tout seul, mais qu'il faut porter quelque chose par-dessus. Un pagne ou un kamis. Un pagne ou un kamis. Après, il y a Koul Fissoua le Rabia wa Tissain wa Miyatenu Alf, 1294e question. Elle est juste le Rijel, un Yelbus Libes Nisa, Aoulax. C'est-il permis aux hommes de porter des vêtements des femmes ou des femmes de vêtements des hommes? Et ce n'est pas permis. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rajoul, Yelbus Libsat el Mar'a, ou el Mar'a, Telbus Libsat el Rijel. Qu'il a dit que Allah, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui porte le vêtement d'une femme ou la femme qui porte le vêtement d'un homme. Authentifié par Al-Albani et par Cheikh Mokbil, rapporté par Abu Daoud. Et d'ailleurs, c'est même pas dans les vêtements, c'est dans les manières, dans plein de choses. Comme a dit le Nabi sallam, La'anallahu al-mutashabbihat min nisa bi-rijal wa al-mutashabbihin bi-rijal bi-nisa. Que Allah a maudit ceux qui ressemblent aux femmes, ceux qui ressemblent aux hommes parmi les femmes, ceux qui ressemblent aux hommes ou aux femmes parmi les hommes. Donc même en dehors des vêtements, par exemple porter des bracelets, porter des colliers, des bijoux, c'est des choses qui sont propres à la femme. Certains savants ont même été jusqu'à dire que porter une montre n'est pas permis car ça ressemble à un bracelet, comme Shir Touijiri. Lui, il voit que c'est pas permis de porter une montre, par exemple. C'est son ijtihad à lui, d'accord? Pour vous dire que la chose tellement elle va loin. Même dans la façon de se tenir, dans la façon de parler, dans les coupes de cheveux, tout cela. Par contre, il y a des choses qui sont communes. Par exemple, la femme, des hadiths prouvent que les sahabiettes portaient le sarawil. Elle peut porter le sarawil. Même le pagne, la femme peut porter un pagne. Ce sont des vêtements qui sont, on va dire, mixtes. Mais seulement, il y a des vêtements qui sont propres à l'un comme à l'autre, cela ne le porte pas. Comme le kafir. Il y a des vêtements qui sont communs à l'homme de façon générale, que le muslim porte et que le kafir les porte, comme un blouson, par exemple, je ne sais pas moi, un bonnet, s'il fait froid, ou des gants s'il fait froid, ou les sous-vêtements, ou les chaussettes. Ce sont les choses communes que tout le monde porte. Ce qui est interdit, c'est des choses qui sont propres à eux, dont nous, on a l'équivalent en islam, dont on n'a pas besoin. Comme le pantalon. Le pantalon, on n'a pas besoin. On a le sarawil, on a le kamis, on a le pantalon. C'est une chose qu'eux portent, qui leur est propre à eux. Non. Après, c'est une chose qui demande vraiment de la précision. Parce que des fois, c'est vrai que c'est ambigu. Est-ce que c'est un vêtement des koufars qu'on peut porter ou pas? On ne sait pas. Ça arrive des fois. Mais comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laisse ce qui fait te douter pour ce dont tu es sûr. Si tu as un doute, délaisse. Et ça, le wara. La vraie crainte et la vraie piété. Délaisse. On mettait 1295e question. Maintenant, c'est quoi le jugement de faire de se raser la barbe ou de la tailler. Et ça, c'est haram. Comme dans le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu, un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit les mouchidikins, ou ahfou le shawarib, ou aoufou al-luha. Qu'il a dit contredisez les mouchidikins et taillez les moustaches et laissez pousser les barbes. Tamam. Et le hadith, les mutafoun alayhi. Après, il y a une masala qui est venue, le fait de dépasser ce qui se dépasse de la main. Cela a été attribué à Ibn Omar. Qu'il l'a fait. Déjà d'une part, Omar l'a fait, d'accord, en effet, et malgré tout cela, son acte s'oppose au hadith que l'on voit aujourd'hui, qui est clair. Kazalik, ce que les gens ne citent pas, c'est qu'Ibn Omar ne l'a fait que pour le Hajj, il ne le faisait pas tout le temps, il ne l'a fait que pour le Hajj. Alors qu'aujourd'hui, les gens le font tout le temps. C'est encore une différence qu'il y a. Ibn Omar se taillait la barbe quand il est fini de faire le Hajj, à une occasion particulière. Et ça également, c'est une chose qui n'a pas de délire à l'appui de ce qu'il a fait. C'est un ijtihad d'Ibn Omar, d'accord. Et quand les gens disent que d'autres sahabas ne l'ont pas contredit, on dit que si, on a un document sur le site de notre cheikh Mohamed ibn Izzam, on explique bien que plein de sahabas avaient des grandes barbes. Ali avait une barbe qui dépassait, qui faisait de ses épaules. Othman avec une barbe qui arrivait, qui était très grande, à tel point que des gens se moquaient de lui parmi les Khawarij. Donc ce que Ibn Omar a fait, c'est lui qui l'a fait. Les autres sahabas ne l'ont pas fait comme lui. D'accord. Les autres sahabas ne l'ont pas fait comme lui. Et donc là, on a un hadith qui est clair, donc on ne délaisse pas un hadith pour l'acte d'un compagnon. Car ce n'est pas un argument, sauf si son acte ne s'oppose pas à un hadith et qu'on n'a pas d'autre compagnon qui le blâme ou qui le contredise. Là, c'est le cas. Ibn Omar a contredit le hadith par son acte et d'autres compagnons n'ont pas fait comme lui. Wa akada. Thumma qala fi as-su'al as-sadis wa tis'in wa mi'atin wa alf. 1096e question. Uzkur khamsan min khisal al-fitra. Maintenant, 10, 5 caractéristiques de la nature saine. Qu'il s'agit de, comme dans le hadith d'Abu Huraira, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 5 min al-fitrah, al-khitan, wa al-istihdad, wa taqlim al-athfar, wa nitf al-ibt, wa qus al-sharib. Qui est, qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 5 choses font partie de la nature saine. En premier lieu, la circoncision. Et cela est valable pour l'homme, pour la femme, sauf que pour l'homme c'est obligatoire. Et pour la femme c'est recommandable. Et ce hadith-là est général, il concerne les deux. L'istirdad, c'est le fait de s'épiler sous les aisselles. Et cela est également valable pour l'homme comme pour la femme. Taklim, l'afar. Afouen, l'istirdad, c'est le fait de se raser les poils pubiens. Je crois qu'on dit comme ça, c'est les poils qui sont autour des parties génitales. Du vagin pour la femme et du pénis pour l'homme. Ça c'est pour les deux. D'accord, ça c'est pour l'homme comme pour la femme. Taklim el-Athwar, se couper les ongles. Également, c'est valable pour tout le monde, pour l'homme comme pour la femme. Nift el-Ibt, c'est ça qui est épilé sur les aisselles, les poils qui sont sous les bras. On se les épile. D'accord. Après, on a dit ça, mais ça fait trop mal ou quoi. Il est permis de les raser. Mais la sunna, c'est de les épiler, car cela est plus hygiénique et ça pousse moins vite apparemment. Et le dernier, c'est se tailler la moustache. Ça, c'est pour les hommes, bien évidemment. D'accord. Se tailler la moustache. Et la barbe, on la laisse pousser. Et attention, aujourd'hui, malheureusement, on voit que c'est une mode qui est devenue fréquente en Occident, chez les koufars, c'est que c'est la barbe. C'est devenu une mode. Des gens auparavant avaient honte d'avoir leur barbe, la mode est arrivée, ça se poussait la barbe. C'est comme à l'époque où tu avais le pantacourt. Des gens avaient la honte d'avoir les vêtements sous les chevilles. Et quand la mode des pantacourts est arrivée, ils sont mis à porter et disent, oh, c'est la sunna d'après eux. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'mal bin niyyah. Les actes ne valent que par les intentions. Donc que les gens fassent attention à leurs intentions. Si tu fais une barbe parce que c'est la mode, parce que tu as vu les koufars le faire, ou le footballeur un tel le faire, ou le chanteur un tel le faire, et après tu dis je le fais parce que je suis musulman, tu en tiendras compte devant Allah Azzawajal. Et pareillement, si jamais tu portes des vêtements de la sunna conformément à la mode des gens, d'accord, également, tu en tiendras compte par rapport à ton intention. Ton intention, Allah Azzawajal, il la connaît. Enfin, on a un peu attardé aujourd'hui. On a un peu attardé aujourd'hui. On a un peu attardé aujourd'hui.